Utiliser la climatisation de manière la plus écologique, c'est régler la température intérieure. 4 à 5 degrés de moins qu'à l'extérieur. Réponse A. 6 à 10 degrés de moins qu'à l'extérieur. Réponse B. 11 à 15 degrés de moins qu'à l'extérieur. Réponse C.